Tous les ans, les anciens coloniaux toulonnais se rassemblent devant les vestiges de la caserne Bazeille pour commémorer les combats glorieux d'août 1870 de la division bleue dans les Ardennes. Les Marsouins, dont Toulon conserve le vivace souvenir, écoutent au garde-à-vous l'hymne de l'infanterie de marine.